Adam et Ève ont existé ou pas, à votre avis? Non, je ne pense pas comme tel. Messieurs les scientifiques, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour vous? Concernant la question de chronologie biblique, je ne suis pas du tout spécialiste. L'évêque l'est bien sûr 100 fois plus que moi. Par contre, pour la chronologie à l'échelle de l'humanité, l'humanité étant née, les premiers éléments humains étant découverts et datés d'il y a 7 milliards d'années, ramener ça à une horloge qui ramènerait au temps de la planète Terre, 4 milliards et demi d'années, ça voudrait dire que sur une pendule habituelle, l'humain serait apparu dans les deux dernières minutes d'une matinée. 7 millions d'années pour l'humain et 4 milliards et demi pour la Terre. En ramenant ça à des échelles de temps qu'on maîtrise, qu'on peut toucher, on prend une pendule et l'humain serait apparu dans les deux dernières minutes d'une matinée à l'échelle de la planète Terre. Donc, la question des chronologies au niveau scientifique est établie de façon plus systématique et, j'ai envie de dire, rigoureuse. Maintenant, les échelles de temps nous dépassent. L'univers est trop vieux pour nous, la Terre aussi. Même notre humanité, je veux dire, les origines de l'humanité nous renvoient à des durées qui dépassent l'entendement. On vit 100 ans, on a difficilement accès, même par la pensée, à des durées aussi longues. Alors messieurs, il y a autre question, pendant très longtemps on l'a répété, on le répète encore, est-ce que l'homme descend du singe? Messieurs les scientifiques? Alors dans le débat, je pense que je serais amené à essayer d'amener quelques réponses à cette question. Oui. Ma réponse est a priori oui et non. Donc... Ah oui, c'est d'accord. Oui, pourquoi, non, pourquoi, on va faire oui comme non, à l'école. C'est, ça renvoie en fait la recherche très actuelle du dernier ancêtre commun. Un collègue très proche d'Yves Coppens résume ça par le DAC, le dernier ancêtre commun, qui serait daté de 40 millions d'années. Une période pour laquelle on ne retrouve pas de vestiges d'un tel être présentant des propriétés de type hominidé et de type singe. Maintenant, on peut projeter des choses qui sont actuelles à un passé récent. Actuellement, les singes sont capables et présentent des aptitudes très proches des nôtres, bizarrement, peut-être à un autre niveau de développement, mais qui sont sans doute hérités de cet ancêtre commun. Un bagage génétique très proche pour les chimpanzés, les bonobos, la posture verticale, le fait de marcher debout, mais nous le faisons 100% du temps, et ces singes-là ne le font que 30 ou 10% de leur temps. Néanmoins, ils ont développé les mêmes attitudes d'utilisation d'outils. Donc cet ancêtre commun que nous n'avons pas encore trouvé est très probablement existant. Monseigneur Lafont, je vous vois écouter religieusement, c'est le cas de le dire, permettez-moi. mais qu'est-ce que vous croyez tout ça? Est-ce que ça signifie que nos repères, finalement, ce ne sont pas les bons repères? Ben, ce que je constate à écouter M. Marnette, c'est que d'abord, on ne sait pas très bien. C'est qu'effectivement, la théorie assez simple qui s'est développée au 19e siècle, on n'en a pas des preuves réelles aujourd'hui. Et que, de fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'on a pu le croire à une certaine période du 19e ou même du début du 20e siècle. Par conséquent, moi, je laisse la science continuer ses investigations. Je crois, personnellement, je ne crois pas. Mais en face, l'Église met quoi en face? L'Église, elle pense que tout vient de Dieu. Tout. Elle pense ou elle sait? Elle croit. Elle croit, c'est-à-dire c'est une connaissance qui ne relève pas de la science, mais dont la certitude est très grande, elle est très forte. C'est en fonction de la confiance, d'ailleurs, que nous faisons dans ce Dieu. Et elle croit que tout vient de Dieu, et que Dieu a créé tout ce qui est sur la terre, selon leur ordre, selon leur espèce, et selon leur développement, à partir des lois naturelles, des lois de la nature, qui sont d'ailleurs des lois qui ont été posées par Dieu lui-même, mais qui fonctionnent dans l'autonomie que Dieu lui-même leur a donnée. Est-ce que ce ne sont pas des lois physiques, tout simplement, messieurs? Ce sont aussi des lois physiques. Chimie.